This motorcycle. Rusty. Vodka. Vodka et caviar. Traumatisant. I guess so. Oh, you had a bad night. Oof. Ah oui, the chicken sauce. Crazy. This is so wonderful. Quelle fête! Salut Betty Bob! Oh! Voilà mon ninja mort préféré. Je peux pas venir, votre truc est fou là. Faut virer Manu, s'il vous plaît. Il est toujours là, Manu ? Oh putain, je peux pas rentrer dans votre room là. Non, je vais rester sagement chez moi, à la maison. Je l'entends d'ailleurs d'ici. J'ai deux bars en dessous de chez moi, donc. Et puis, je viens d'avoir une belle mauvaise nouvelle. Mon copain m'a plaqué. Salut, Karma. Non, six to six. This is so wonderful. Piercing voice. Peasing? What means this? Peasing? Translation, Yannick. Na zdrowia. Le curé. Oh, ça, c'est une grosse blague avec Coco. Gros délire avec Zoom. C'est d'ailleurs qu'on est parti là-dessus sur cette histoire de purée. À la limite, j'aurais préféré celle-là ce soir. Elle était plus. Elle faisait moins mal. Elle était, pas... elle était plus. Elle était virtuelle. Ok, let's play. Ses parents ne pouvaient pas. est à 10. Sorry, I have problem with my sound. It's cutting all the time. Thank you. que t'attends, où la vie est si longue. Thank you.

café Lidl. Café vodka. Tonight I gonna be drunk tonight. Ooh, ooh, ooh, ooh. Bad drummer. Oh. Mike, you should. It's okay, my don't take it back. Par quelqu'un d'autre et répondre par SMS. Ça peut être.